Espace vert. Ta mère est en prison, ton père est un pochetron. Ton unique horizon, c'est tondre le gazon. Tu te morfonds à l'ombre du béton. Mais au fond, tu t'en fous de tailler les rhododendrons. Espace vert, ta vie est un enfer. Espace vert, c'est ça ou la misère. Tu revends du chichon pour que les fins de mois tourneront. T'aurais pu faire maçon, mais là t'aurais touché le fond. Tu te poses plein de questions sur foutre la religion. Mais t'es plus malin avec un ballon rond. Espace vert, plus bas qu'intérimaire. Espace vert, tu serais mieux en gangster. On te prend pour un mouton, un type sans ambition. Mais enterré bien profond, sommeil encore un lion. Tu prouveras à ces cons, t'es pas seulement un pion. Tu t'es déjà acheté un flingue pour leur montrer qui c'est le patron. Espace vert, un jour tu feras comme à Nanterre. Espace vert, où tu te noieras dans la bière. Merci pour eux, ils donnent beaucoup de mal. Ça fatigue tout ça, hein. C'est dur. Alors là, une chanson qui est dédiée à tous les dragueurs, et je sais qu'il y en a dans cette salle ce soir. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Tous les gens derrière moi sont... Pardon. Et oui, donc une chanson dédiée à tous les dragueurs, voilà exactement.